Les preuves rassemblent. Jésus remplit un cœur. Je t'aime, je t'aime.

Vous pouvez être à cause du souffle de la vie. À cause de la sacrée de l'homme. Je dis qu'à tous les hommes, il t'a dit la vie bien. Que ça ne manquera pas éternellement. Et c'est là, pas dans les mains. Mais quand Jésus a dit, bien, laisse-la, remets-la à la vie. Car lui-même a dit, le ressuscité pour l'homme. Venez à moi, vous étiez fatigué. Peut-être que je suis fatigué, même de la vie. Ça fatigue. Ça fatigue. Ça fatigue de s'aider à la vie féminine à gauche à droite. Ça fatigue de s'aider les partisans à gauche à droite. Ça fatigue de s'aider les divorces à gauche à droite. Les soucis de la vie. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas reposé sur celui qui a la solution à cela. Veille toujours en trouble et en douteur, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour te glisser dans la tête de l'ennemi, où va venir? C'est pas le ministère. Lui, il est venu. Regarde, il a eu tout ce qui est dans lui. Il sort rien de la parole. C'est pas ça, c'est lui. La Bible dit que le diable au sommet, il roule comme un voleur, cherchant celui qui va déborder. Parce que c'est parce que c'est la salle de bain qui vient. Il est bien à chaque état. Dans un période, un moment où tu t'oublies bien aimé, tu es un poids mangeable pour lui. Il faut que tu perds, tu es distrait, tu es un poids mangeable pour lui. Il est bien à chaque état. Donc il rôde de lui, il est là, il cherche les failles, comment il va présenter lui, tout le monde, il cherche, il est là, il observe. Il déteste, il guette. Imaginons que le sang se guérit. Imaginons que le sang se laisse emporter. Regardez ce que c'est que ça peut être fatal. Il veut que nous puissions être assujettis au pays afin qu'il puisse nous amener à la paix. Et pour nous, nous avons de la bonne merci de notre Jésus. La vie. Comme nous sommes soumis à sa volonté. Combien de fois nous avons que pour eux, c'est un message de Jésus, la parole de Jésus. Donc on va se lever, on va se lever. C'est le moment qui est. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Les temps sont nouveaux. Premièrement, on va prier pour ces désaccordés la répandance de l'État. Chacun de sa part, nous connaissons nos actions. Ce que nous faisons. La chose que nous avons accrochée à nous qui ne peut pas nous laisser jouir ni se parler dans la parole du Seigneur, dans sa volonté, dans la mise en portée de sa parole. Vous avez vu là, je ne vous pas faire mieux. Comme votre nom de la maison, on s'est rencontré. Nous avons pu manifester le prix, mais nous avons encore vu le fait de nous. Nous avons négligé le fait quand on a la capacité de le faire.